Document de la CIFLES, supplément au numéro 32, extrait de programme proposé par la radio suédoise pour enseigner le français, 1950-1970.